Section 32 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. La Lecture, tome 6e. Section 32. Les folles danseuses par Abraham Dreyfus. Lina, Lina, veux-tu descendre ? Un long bâillement se fait entendre dans la soupente. Un bras sort du lit, s'allonge, puis retombe lourdement. Madame Chenu, debout au bas de l'échelle, frappe plusieurs fois sur le bois du lit avec son manche à balai. « Voyons, Lina, il est 6 heures ! Lina !» Cette fois, Evelina a entendu. Elle enfile un jupon et une camisole, elle dégringole l'échelle et la voilà debout au milieu de la loge. Elle est encore toute fardée de la veille et en se frottant les yeux, elle étale le noir resté sur ses sourcils. « Eh bien, t'es propre !» s'écrie Madame Chenu. « Je te demande un peu si tu n'aurais pas pu défaire ta figure hier au soir. »« Je n'avais plus de cold cream !» Madame Chenu bondit. « Tu n'avais plus de cold cream ? Je t'en ai acheté une once, avant-hier. Qu'est-ce que t'en fais alors ? Tu le manges ?» Marie Bourgard n'en avait pas. Je lui en ai prêté. C'est ça. Il faut que j'en rajette, moi. Tu ne pouvais pas lui prêter ta chemise aussi pendant que tu y étais ? Elle m'a bien donné de son savon. Pour ce qui lui coûte, son savon, ses parents en vendent. Enfin, tu te feras toujours gruger. Voilà ce qu'il y a de sûr. Mais maman... Allons, pas d'histoire. À l'ouvrage. Et plus vite que ça. Evelina sort de la loge en traînant le balai que sa mère lui a mis entre les mains. Elle balaye la cour, puis elle va à la pompe, tire 2 seaux d'eau, les verse dans la fontaine et aide Madame Chenu à faire les escaliers. Pendant ce temps, Monsieur Chenu s'est levé. Il est sorti pour aller chercher du lait et a pris son verre de vin blanc avec l'épicier du coin. Il revient, il allume le feu, il fait chauffer le lait dans un poêlon, il prépare le café et les rôtis, met 2 bols sur la table et appelle sa femme. « Madame Chenu, quand tu voudras !» Madame Chenu descend, suivie d'Evelina. Elle prend 1 des 2 bols et s'installe avec son mari devant la table, tandis qu'Evelina, assise sur une chaise basse, le poêlon entre les genoux, trempe une longue tranche de pain dans sa part de café au lait. Le déjeuner fini, Evelina passe dans l'alcôve pour s'habiller. Madame Chenu fait son ménage, Monsieur Chenu s'assied, les jambes croisées sur son établi. Et avant de se mettre à la couture, parcourt les journaux que le facteur vient d'apporter. « Allons bon, encore un attentat !»« Où donc ?» fait Madame Chenu. « Rue de Puebla, une femme qu'on a trouvée assassinée dans sa cuisine. »« Comment qu'on l'appelle ?» Le journal met la fille V. C'est probablement le pendant du passage Saulnier. « Ainsi, voyez à quoi ces femmes-là s'exposent !» Evelina s'est rapprochée tout en attend ses cheveux. Madame Chenu, l'apercevant, lui flanque une taloche. « Oh, maman !»« Quoi, oh, maman, t'es pas honteuse d'être encore là à cette heure-ci ? Et ta leçon ?»« Je ne suis pas en retard ?»« Non, c'est le chat. En attendant, dépêche-toi de t'habiller. Ou je vais t'aider, moi !» Un locataire entre dans la loge. « Comment, Madame Chenu, vous grondez encore votre demoiselle ?»« Ne m'en parlez pas. Faut toujours être auprès d'elle. Si ce n'est pas désolant, une grande fille qui va sur ses 14 ans !» « Déjà ? Comme ça pousse !»« Ça pousse, et ça nous repousse, c'est le cas de le dire. »« Et l'opéra, vous êtes toujours contente ?»« Contente, contente, il n'y a rien de trop. Voilà 5 ans qu'elle est dans la danse. »« 5 ans ? Mais oui, entrée à 8 ans et demi, et elle n'est encore que du premier quadrille, comme si elle ne devrait pas être déjà passée coryphée. »« Comment ça se fait-il ? Ça se fait qu'il y a des injustices, parbleu. » Ce sont les protections qui font tout, et on appelle ça être en République. Ici, une voix grave intervient. « Madame Chenu !» Madame Chenu se tourne vivement vers son mari. « Eh bien, quoi ? Ce n'est donc pas vrai ce que je dis ?» Monsieur Chenu fronce le sourcil. « C'est possible, mais tu n'as pas besoin de mêler la politique. Alors tu trouves bien que ta fille gagne 900 francs au lieu de 12. Il ne s'agit pas... Ah, parbleu, oui, ça ne t'inquiète guère. Tu n'es pas ambitieux, c'est une justice à te rendre. » Puis, à Evelina, « Et toi, qu'est-ce que tu attends ? File à ta leçon !» Evelina a fourré dans un petit sac de cuir une paire de bas, des chaussons de danse, un corset, une chemisette, un peigne, une glace, un tire-bouton, une boîte de poudre de riz, un morceau de pain, deux sardines, des pommes et une bouteille d'eau rougie. Elle a pris son manteau, son chapeau, son en tout cas, elle embrasse son père et sa mère et la voilà partie. Mais la fillette revient aussitôt. « Allons bon, qu'est-ce qu'elle a encore oublié ?»« Maman, c'est mes médailles !» Et tout essoufflé, Evelina se précipite dans le petit cabinet où elle a fait sa toilette et en rapporte trois médailles de sainte, deux petites croix et une corne de corail suspendues à un cordon qu'elle se passe autour du cou. Ce sont les fétiches de la danseuse. Evelina est maintenant armée de pied en cap. Elle s'en va le nez au vent, descend des hauteurs de Montmartre, suit la rue Lepic, traverse les boulevards extérieurs, longe la rue Pigalle, la chaussée d'Antin et arrive à l'opéra. Il est 9h15. La petite danseuse passe vivement devant la concierge, grimpe 5 étages et débouche dans la loge où s'habillent ses camarades du premier quadrille. En 5 minutes, elle a revêtu son costume de classe. Chemisette décolletée à manchettes courtes, jupe de mousseline, bas rosés, chaussons de satin très défraîchis, comme parure facultative, ruban au cou et ceinture bleue, et cachée dans le corset les médailles, les fameuses médailles. Evelina monte 2 autres étages pour arriver dans la salle d'études, une grande pièce carrée qui se trouve sous la coupole de l'opéra et dont le parquet est légèrement incliné. Une chaise pour le professeur, une seconde chaise pour le violon accompagnateur et des barres d'appui scellées au mur composent tout l'ameublement de cette pièce. « En place, mesdemoiselles !» À cet appel du professeur, la danseuse est allée se placer à l'une des barres et se tenant tantôt de la main gauche, tantôt de la main droite, elle se plie, s'étire, se renverse, se tourne dans tous les sens, posant sa jambe sur la barre à la hauteur de son épaule, la rejetant en arrière, la lançant en avant, se disloquant enfin pendant 20 minutes pour se préparer à la leçon proprement dite. Après ces exercices, le professeur appelle les élèves au milieu de la classe et c'est alors que se font les développés, les attitudes, les arabesques, les relevés, les ports de bras, les fouettés, les ballonnés, les temps de cuisses, les temps de pirouettes, les temps de pointe, les changements de pieds, les pas de bourrée, les glissades, les assemblées, les jetés, les pirouettes renversées, les cabrioles, les entrechats, et enfin les enchaînements composés de tous ces temps. Voilà en quoi consiste la leçon. Mais Evelina, qui veut arriver, ne se contente pas de ce dur travail. Et pendant les instants de répit accordés par le professeur, elle passe à une autre série de dislocations. Elle saisit d'abord une chaise, la couche sur le dos, et plaçant son pied entre les barreaux, le force à se tendre et à se cambrer. Puis elle va s'asseoir par terre, près du mur, colle ses 2 semelles l'une contre l'autre, les pointes très ouvertes, les pieds rapprochés du corps, et prie une de ses camarades de vouloir bien lui monter sur les genoux. La leçon est finie, il est 11h. Evelina, toute haletante, rentre dans sa loge pour changer de linge. Après quoi, elle tire de son sac les provisions qu'elle a apportées et les dépose sur la table où elle va déjeuner avec ses camarades. Chacune d'elles en fait autant, et ce sont des exclamations et des interpellations à n'en plus finir. « Oh, du jambon ! Ce n'est pas du jambon, c'est du bœuf conservé. Donne-m'en, dis ! Qui est-ce qui a du sel ? Agathe, rends-moi mon pain ! Fermez donc la fenêtre ! Je vends mes radis ! Ah, ma chère, Fanny qui a du poulet ! » Puis ce sont des échanges. Evelina troque une de ses sardines contre un cornet de pommes de terre frites. Et elle s'associe avec Marie Bourgard pour acheter les radis que Pauline Ardouin veut vendre. Mais on sonne déjà pour la répétition. Il faut descendre au théâtre et achever son déjeuner sur la scène pendant que le régisseur fait l'appel et que le maître de ballet s'entretient avec le compositeur. « Allons, mesdemoiselles, quand vous voudrez !» Les danseuses se groupent. « Qu'est-ce qui manque là ? C'est Bertrand Première. Toujours la même, Bertrand Première. Où est Chenu ? V'là, monsieur. « Prends sa place. » Puis, à une autre, « Et toi, tu manges encore ?»« Je ne mange pas, monsieur, c'est des grains de café. » Le régisseur hausse les épaules. « Allons, à nous !» crie le maître de ballet en frappant avec son bâton. Les musiciens attaquent une ritournelle et la répétition commence. Evelina fait de son mieux pour remplacer dignement, quoique provisoirement, la coryphée Bertrand première. Elle marche, court, danse, se mêle à des groupes, s'agenouille, se relève et recommence. « Allons, mesdemoiselles, encore une petite fois !» Et, de petite fois en petite fois, la répétition est poussée jusqu'à 4 heures. Les danseuses remontent dans la loge, Evelina se déshabille, remet sa toilette de ville et quitte l'opéra. Il est 5 heures quand elle arrive à Montmartre. Madame Chenu est devant la maison. « Ah, te v'là ! Vrai, ce n'est pas dommage !»« Mais maman, la répétition vient de finir !»« Allons donc, c'est toujours la même chose !» Je suis bien sûre que tu as encore flâné. Mais maman, dépêche-toi de retirer ton chapeau et viens m'éplucher mes pommes de terre. Evelina regimbe. J'ai mes chaussons à piquer. Tu les piqueras tout à l'heure. Et Madame Chenu retourne près de son fourneau. Evelina, tout en bougonnant, épluche les pommes de terre. Quand elle a fini, elle tire de son sac une paire de chaussons de danse et va les repriser dans la cour pour prendre un peu l'air. Il est 6 heures. On va se mettre à table, Evelina n'a que le temps de se débarbouiller, de dîner et de retourner au galop à l'opéra. On joue 5 actes. Elle paraît dans le premier, elle fait un page dans le second et elle est du grand divertissement du troisième. Pendant le 4e acte, elle reste dans sa loge où elle se repose en faisant des garnitures de crochets pour orner ses corsages. Mais l'avertisseur parcourt les couloirs. « Mesdames, le 4e est fini !» Evelina n'a que le temps de revêtir son dernier costume. Patatras, pif, paf, pouf, rapata pataplan, c'est l'explosion de la fin qui commence et Evelina va manquer son entrée. Elle descend les escaliers 4 à 4, se précipite en scène et arrive juste à point pour disparaître dans les dessous avec les filles d'enfer que le baryton vient d'anéantir. Le rideau tombe, Evelina regagne sa loge, se déshabille encore, se rhabille de nouveau et part cette fois pour tout de bon. Il est près 1h du matin quand la danseuse sonne à sa porte. C'est Madame Chenu qui lui tire le cordon. « Enfin !» s'écrie la concierge. « Te voilà ! La dernière, comme toujours ! Tous les locataires sont déjà rentrés !» Evelina ne répond pas, elle n'en peut plus. Elle se traîne jusqu'au buffet, prend du pain, du vin, du fromage, boit et mange tout en se déshabillant, remonte son échelle, se couche et s'endort, la danseuse a fini sa journée. Fin de la section 32.